السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنشكر الله عز وجل على هذه الدورة المباركة في هذا المسجد المبارك مسجد الشيخ عبد الهادي حفظه الله عز وجل في مدينة مرسيليا. فقبل ذلك سأترجم بصفة مبجزة ما قاله الشيخ زيد بن الهدي المدخلي حفظه الله عز وجل. دونك بيانك أتوس pour ce séminaire, ce premier séminaire, en espérant aussi qu'il y aura d'autres séminaires dans cette mosquée bénie, la mosquée du Cheikh Abdel Hadi, qu'Allah le protège. Et avant de commencer, donc, je vais traduire succinctement ce que le Cheikh Zayd Ibn Hadi a dit dans son iftitah. Donc, Cheikh a mentionné la question d'abord, dit bienvenue pour ce séminaire. Et il a mentionné que les séminaires étaient donc... il y avait énormément de séminaires dans l'Arabie, en Arabie Saoudite. Et que les sciences... Donc il a aussi mentionné les sciences importantes. Et parmi les sciences importantes, donc il a mentionné le fait de connaître les bases de la religion. N'est-ce pas que cette base importante, c'est le tawhid, l'aqida, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dogme, la croyance du musulman. Donc il a mentionné que le musulman doit connaître ce dogme, en passant bien sûr par les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse être versé dans ce chapitre-là ou dans ce domaine-là. Il a aussi parlé après cela d'un point très important du fiqh, qui est le fiqh de la djihad. N'est-ce pas qu'actuellement les khawarij, bien sûr, donc ça c'est une parenthèse de moi, si Cheikh a mentionné à la djihad, c'est pas pour que ça fait compte, c'est pour que l'on ne tombe pas en réalité dans ce que ont tombé les khawarij et autres. Les gens actuellement ne connaissent pas le chapitre de la djihad. Donc voici ce qu'on voit en réalité autour de nous par rapport aux désordres. Et il a aussi mentionné le fait de recommander le bien, de réprouver le mal. Lorsqu'il a parlé de la nasiha, il a parlé du conseil, car le conseil c'est ce qui fait en réalité, c'est le point important qui va permettre aux gens de rester sur les rails. Et il a aussi bien sûr parlé du fiqh. Donc il a parlé de la nasiha, il a parlé de la da'wa aussi. Donc de la prêche et de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a mentionné aussi de ce qu'on a en nous, des savants, afin de pouvoir faire profiter nos frères ici, de ceux qui ne connaissent pas, ou bien de ceux qui connaissent donc peu de base dans cette religion. Donc c'est de façon succincte ce que Cheikh a dit. Bismillah. Il est une phrase que fait Ratou. Wa fawwal wa khira. La yusawli shaytun. وأجر عند الله تبارك وتعالى عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. La science comporte et comprend énormément de bénéfices. Rien n'équivaut à la science. La récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui emprunte une voie afin d'y rechercher la science, Allah lui facilite la voie pour entrer au paradis. Allah lui facilite la voie pour entrer au paradis. Et à chaque fois qu'un peuple ou un groupe de gens se rassemblent dans une maison d'Alexandre Avar. Ils récitent le livre Avar. Ils l'enseignent. Ils enseignent les uns envers les autres ce livre. Et à chaque fois qu'ils font cela, les anges, donc la sérénité et la paix descendent sur eux. La miséricorde va les envelopper. Et les anges vont les recouvrir. Et Allah va les mentionner auprès de ceux qui sont près de lui. Et Allah va les mentionner donc, auprès de ceux qui sont proches de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, en réalité, lorsqu'on compose ce hadith, on voit donc énormément de bénéfices vis-à-vis de cela. On voit en réalité énormément de bénéfices. Tu fais qu'Allah subhanahu wa ta'ala directement facilite l'entrée au paradis. Et facilite l'entrée au paradis, donc c'est pas pour des sujets qui sont de moins, des sujets qui sont anodins. N'est-ce pas que ces sujets en réalité sont très importants. Il facilite. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici mentionne les mosquées. Car en réalité, c'est là qu'il y a la baraka. C'est là qu'il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les gens apprennent la religion. Voici l'origine de l'apprentissage, c'est dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le film, dans la compréhension et dans la pratique. Et aussi, donc ils se l'enseignent, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire. Et aussi, ce qui est clair, ce qui est haram, donc licite, l'illicite et autres. Et quand bénéfice, déjà Allah dit ici-bas, et c'est un bénéfice qui vient directement. Donc c'est sur place, c'est tout de suite. Et les choses importantes ont justement des résultats qui sont rapides. Ils ont des résultats qui sont rapides, car la sérénité elle vient. Car les anges, on les enveloppe, et aussi la miséricorde. Donc qui ne veut pas avoir avec la sérénité et la miséricorde de la part d'Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal te mentionne. Il cite ton nom, il te cite auprès de qui? Auprès des anges qui sont un mokarabou, qui sont auprès de lui. Donc voilà un petit peu l'identité et l'importance de ce hadith. Pas de hadith, العظيم حيث على الأسفار واتخاذ المشاق إلى طلب الحلم الشرعي ونهايته الجنة وما أجمل هذا الجزاء لمن وفق لذلك. Donc on voit que dans ce hadith aussi, donc il y a en réalité le fait de pousser les gens, et ça donne envie. Il y a le désir fort de vouloir apprendre la religion. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, celui qui prend le chemin, celui qui voyage. Donc on comprend que pour apprendre cette langue, cette science, il faut voyager, il faut se fatiguer pour apprendre. Et voici le résultat qui est en réalité le paradis, rien d'autre. Et quelle bonne récompense pour celui dont Allah subhanahu wa ta'ala aura donné la réussite. Ad al-khabar, al-adim, atab Allah azza wa jal, man arada bihi khair, man arada an yakhudha ad al-haq al-wafir, fa yakul khu'aliya radiallahu ta'ala anhu, يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم. Donc voici une bonne annonce où Allah subhanahu wa ta'ala donne, octroie une grande récompense à cette personne, à qui? À celui dont il veut du bien, dont il veut en réalité le plus grand bien, dont il veut en réalité le plus grand bien. Et Mouhammed, il rapporte qu'il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont Allah veut du bien, il lui fait connaître la religion, il lui fait comprendre la religion. Mais ça ne veut pas dire que celui qui ne connaît pas la religion, Allah ne lui veut pas de bien. Car il est possible que cette personne-là soit forte dans le jeûne, soit forte dans les adorations, même si elle n'aura pas peut-être une grande compréhension. Mais ce bien, en réalité, c'est le bien par excellence, car c'est la source de la compréhension de la religion. C'est en vérité donc, elle crée l'ardine. C'est le grand bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, mathalu ma ba'athani Allah azza wa jalla bihi min al-huda wal-'ilm, kamathal al-ghayth wal-kathir, asaba 'atan, fa kanat minha buqatun qabilat al-ma'a, fa anbatat al-kala'a wal-'ushba wal-kathir, wa kanat minha buqatun amsakat al-ma'a, فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاما ذلك مثل من تقر في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل به وعلم ومثل من لم ينفع بذلك أكثر ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Voyez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La comparaison, cette parabole, cet exemple énorme de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc l'exemple, voici l'exemple dont où Allah m'a envoyé, où Allah m'a envoyé avec la guidée et la science, une rue d'Abraham. La guidée et la science. Cela est comparable à une pluie énorme, une grande pluie qui touche et qui fait en réalité couvrir la terre à Saba. Elle descendra sur le fait que la terre en réalité s'est bien imprégnée. C'est pas juste que le fait que la pluie tombe et peut-être quelques heures après c'est déjà assez clair. À Saba, c'est que cette pluie a réellement donc été à imprégner cette terre. Donc il y a un profit. Il y a donc sur cette terre un endroit qui accepte cette eau. Et elle fait pousser donc les verdures. Elle fait pousser les verdures, énormément de verdures, abondamment. Et il y a aussi une terre qui accepte cette eau. Donc c'est aussi une terre qui accepte cette eau. Et les gens en profitent. Et les gens, donc cette terre garde cette eau. Et les gens y en profitent. Ils boivent, ils s'abreuvent. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font, bien sûr? Ils vont en réalité donc cultiver. Il y aura de la culture. Et il y a aussi donc un groupe qui en réalité ne profite pas de cette eau. Il ne profite pas de cette eau. Et la nature n'y pousse pas. Et ces végétations n'y poussent pas. Donc cela est l'exemple en réalité de celui qui a compris la religion. Et qui a compris la religion et qui profite de ce que Allah Azzawajal a descendu ou a envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il fait avec cela, le Kibyan Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il donne le rôle. Il donne ici le rôle de celui qui apprend la religion. Il apprend. Il met en pratique et il enseigne. Il apprend. Il met en pratique. Et qu'est-ce qu'il fait avec cela? Il enseigne. Il y a l'ilm. Il y a quoi ici? Il y a l'alim. Et aussi, il y a l'da'wa. Et vous connaissez très bien dans les trois bases de leur évidence ou d'autres livres où c'est bien par la compasse, par le fait d'apprendre, par le fait de mettre en pratique et par le fait d'enseigner et de propager cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les gens. Et donc celui qui n'a pas profité de cela, il est comparable à celui qui ne prête pas attention. Il ne prête pas attention en réalité à ce point-là. Et bien sûr, donc, en réalité, il n'a pas accepté la guidée dont Allah Azzawajal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec. Donc, voyez, en réalité, c'est un mec qui est ajib. Adam est un ajib. Jami'u nafi'u. Liman al-qasa wa huwa shahid. Wa hada al-ilm bi shiddati hubillahi lahu wa li ahlihi jazahu. Hatta an ba'athahu Allah Azzawajal. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية وعلم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه الإمام مسلم والإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره. وهي أوسي أكثر أن الحديث للقرآن صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى تلميذا la science et les gens de science, et ceux qui propagent cette science, qui les récompensent même après leur mort. Ils continuent, la récompense ne s'arrête pas juste avec la mort, mais en réalité elle continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'homme meurt, donc l'homme avec un grand H meurt, son œuvre est arrêtée, sauf pour trois points, sauf pour trois catégories de personnes ou trois points. Non pas une aumône qui est continuel, pas une science dont on profite, et ou un enfant pieux qui invoque pour son père, qui invoque en réalité donc pour son parent. D'où l'importance en réalité de la sadaqa jariya, la science profita, et aussi l'éducation à tout le reste des enfants. Et aussi en réalité donc l'éducation pieux des enfants. Car qui de nous ne veut pas en réalité avoir des enfants pieux qui vont nous aider? La science, Allah subhanahu wa ta'ala, لما يعني مثل العلم فمثل العلم بالحياة وهذا العلم يعني حالة القلوب وحالة للقلوب. الله تبارك وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للقط، كما أنه لا حياة للقط إلا بالمطر، وكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. ففي الموطا قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وفاحبهم برغبتك فإن الله تبارك وتعالى يحيي القلوب الميتة بدون الحكمة كما يحيي الأرض بوار المطر. Donc la science, c'est celle qui fait vivre le cœur. La science donne vie au cœur. Allah Subhanahu wa ta'ala a fait de la science pour le cœur ce qu'il a fait de la terre, donc ce qu'il a fait de la pluie avec l'eau, avec la terre. Ce qu'il a fait de la pluie avec la terre. Et de la même façon qu'il n'y aura pas de vie pour la terre sans pluie, il n'y aura pas de vie pour le cœur sans science. Et dans les mots, dans le même Malik, Luqman dit à son fils, « Oh mon fils, assieds-toi près des savants et rapproche-toi d'eux. Et colle-toi à eux par de tes genoux. Donc rapproche-toi d'eux. Sois proche en réalité d'eux. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, fait vivre le cœur, les cœurs qui sont morts, avec la lumière de la sagesse. Yani al-shikma, yani al-ilm. Avec la lumière de la science. Quand il fait vivre la terre, avec la pluie abondante. Avec la pluie abondante. Voyons en réalité. Donc la science, il faut en réalité patienter. Car c'est, il faut en vérité abondamment apprendre pour pouvoir comprendre. ولهذا فإن الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس ولا يزيده كثرته إلا صلاحا ومدحا. Voyez que la terre, certes, elle a besoin donc de cette eau de temps en temps. Donc, de temps en temps. Et lorsque l'eau sera sur cette terre, ça y est, il faut en vérité que la pluie s'arrête. Tandis que la science, le cœur en réalité a besoin de cette science tout le temps. Elle est là la différence. Donc lorsqu'on prend l'équivalent, c'est par rapport à la vie. L'eau fait vivre la terre, comme la science fait le cœur. Donc voilà l'équivalence. Mais là où il y a en vérité donc une différence, c'est dans le fait que l'eau, on en a besoin dans notre vie, non ? Du proportion qui va être en réalité définie. Mais la science, c'est pas de proportion. Il n'y a pas de fin. Car la science, en réalité, n'a pas de fin. Et le cœur a besoin de cette science autant que tu respires, autant que tu vas en réalité souffler et que tu vas respirer. Et la science ne rajoute et ne donne en réalité que le fait de s'arranger, le fait de s'améliorer et que le fait de profiter, que le fait en réalité de profiter. وَهَذَا الْعِلْمُ مَسْبُورُ بِالْجَهْلِ الَّذِي هُوَ الْمَوْتُ مَوْتُ الْقَلْبِ فَيُحْيِيهِ وَالْجَهْلُ كَاشِفًا عَنْ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَيُبَيِّنُ مَرَاتِبَهَا يقول تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَاتَ لَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Voyez que cette science, elle a été précédée de quoi ? D'ignorance. Elle a été précédée d'ignorance qui est en réalité la mort. Qui est en réalité la mort du cœur. Et cette science fait vivre ce cœur-là et lui fait en vérité connaître les réalités des choses. Elle lui fait découvrir les réalités des choses. Ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est sunnah, ce qui est bid'ah, ce qui est shirk, ce qui est kufr, tout cela. La réalité des choses, elle est très bien comprise chez les savants. Et elle lui montre dans ses degrés, comme je l'ai précédemment le dire auparavant, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que celui qui était mort et qu'on a fait revivre, et qu'on lui a placé de la lumière, et qu'il marche avec les gens avec cette lumière, est comparable à celui qui est dans les ténèbres, il n'y sortira jamais. Et il n'y sortira pas. Il est dans les ténèbres. Beaucoup de ténèbres. Il ne sortira pas de ces ténèbres. فَقَالْ عَمَيْتَ الْبِجَّرِ فَالْبُهُ فَأَحْيَاهُ الْعِلْمِ. Donc son cœur était mort par l'ignorance. Et Allah a fait revivre son cœur par la science. Donc l'ignorance, c'est la mort, c'est les ténèbres. Et la science, c'est la lumière et c'est aussi la vie. وَالْعِلْمُ يُطْلَبُ لَلْمَمَاتِ وَيَدُلْ عَلَى ذَلِكَ مَرَضَهُ الْحَاكِ فِي مُسْتَدْرَكِ من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من هما لا يشبعان لا يشبعان من هم في العلم لا يشبع منه ومن هم في الدنيا لا يشبع بها. وهذا الحديث على شرط الشيخين. Ainsi que la science en réalité, elle se recherche jusqu'à la mort. Elle se recherche jusqu'à la mort. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas en réalité de retraite. Ça ne s'arrête pas. C'est jusqu'à la tombe. Et le Hakim rapporte dans son Al-Mustadrak, où Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit deux désirs ardents. C'est comme si c'est comme avoir la boulimie. On voit là-bas quelque chose dont tu désires énormément, c'est de la boulimie. Donc deux désirs ardents dont avec lesquels les gens ne seront jamais rassasiés. Celui qui désire donc la dunya, la vie ici-bas, et vous voyez bien que certaines personnes, certains commerçants ou quoi, n'arrivent pas à s'arrêter, trop tôt le matin, tard le soir, ils ne sont que dans la dunya, ils ne pensent qu'à l'argent, ils ne pensent qu'au bien, ils ne pensent qu'à acquérir. Ils ne sont jamais rassasiés, ils en veulent tout le temps plus. Et celui qui a le désir d'apprendre la religion, donc lui il a le désir de quoi? D'apprendre le rythme, il n'a jamais faim. Il n'est jamais apprendre grâce à Dieu de ce rythme. Il en veut toujours plus. Il en veut en réalité toujours plus. Donc voyez, vous voyez, Fajr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nahna fil ilmi wa hada mishafi minhu min lawazil al-iman wa awsaq al-mu'minin wa hada la yazal dar al-mu'minin hatta dukhuli al-jannah. Donc en réalité, Allah Azzawajal l'a pris de celui qui a ce désir fort de la science et qui n'est jamais rassasié de sa science, parmi justement en réalité ceux qui accompagnent à vivre la foi, ceux qui accompagnent et qui vivent avec toi, donc c'est la foi. Et bien sûr, c'est aussi parmi les caractéristiques et les qualités du croyant. Les caractéristiques et les qualités du croyant. Et ça, ça reste. Donc ça, en réalité, c'est un point culminant du musulman, du croyant, jusqu'à ce qu'il entre au paradis des Minas Azzawajal. وقال المعلم ابن حماد سمعت عبد الله بن المبارك وقد عاده قوم بكثره طلبه الحديث طلبه الحديث قالوا له الى متى تسمع قال الى الممات دوك المعلم ابن حماد الى انطر دي عبد الله بن المبارك alors que des gens le critiquaient car il recherchait énormément le hadith et ils ont dit jusqu'à quand tu vas écouter jusqu'à quand tu vas continuer à écouter à rechercher ce hadith. Il a dit jusqu'à la mort. وقال كذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. Certes, je vais rechercher la science jusqu'à ce que j'entre dans ma tombe. Jusqu'à ce que j'entre dans la tombe. Donc vous voyez qu'il n'y a pas en vérité de retraite. Il n'y a pas de stop de taille. وكذلك العلم من علامات الإيمان فمن أخذه فقد حصل على حلاوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خصلة لا يشتبعان في المنافق حسن الصمت وفي الحب في الدين والحذر والتلميذ وهو صحيح. Voyez aussi que la science c'est parmi les signes de la foi. C'est parmi les signes de la foi. Et celui qui goûte à ce désir de science, à ce délice de la science, en réalité à goûter au délice de la foi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit de Zahir qui est authentique, rapporté par Al-Tirmidhi ou Abu Huraira, dit il y a deux qualités qui ne peuvent pas être rassemblées chez un hypocrite. Le fait de bien écouter, chose me sentir, va faire comme il dit. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit du bayyun lana al-maratib. Le prophète en réalité sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre comment on doit avoir la religion. Écouter attentivement. Restez concentré, restez humble, profitez, et après tu comprends. Donc tu restes comme ça, tu as besoin de ce départ pour pouvoir en vérité arriver à quoi? À l'extérieur, pour arriver en vérité à ce degré de l'organité, de pouvoir comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hadith khisal, min ahasi khisali alayhi iman, wa la yajtami, yajtahuruma Allah azza wa jaiti qalbi munafiq. والإيمان من علامته العظيمة وقد شهد بذلك أهل التجربة أهل العلم وقد قال بعض السلف الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياة وثمرته العلم. Bien sûr, quand il y a fait cette science, donc c'est justement parmi les spécificités les plus flagrantes. C'est-à-dire la foi, c'est parmi les spécificités les plus flagrantes du savant. Qui de nous pourrait se permettre de réaliser que les savants n'ont pas la foi. Si on doute vraiment si on est la foi, on va automatiquement revenir vers les savants. On va automatiquement revenir vers les savants. Et ça, le fait de bien écouter, le fait de comprendre la religion, Allah a voulu que l'hypocrite n'en profite pas, ne peut pas profiter de ces qualités-là. Et ceux qui ont goûté à cela, les gens de science, les savants, connaissent en réalité cela. Ils sont témoins de cela. Et les pieux prédécesseurs ont dit la foi est nue. La foi est éludée. Et son ami est la crainte, et sa beauté est la pudeur, et son fruit est la science, et son fruit, c'est la science. Waouh, là, le gamin. بعلمهم أحق أن يشهد الله لهم وهو أحسن الشهداء سبحانه وتعالى. فقد عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Except les savants de par la science sont en réalité ceux qui méritent le plus de recevoir quoi? L'attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel témoin serait meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Allah atteste, Allah témoigne qu'il n'y a de divinité que lui, ainsi que les anges et les gens de science sont justes. Donc ce sont en réalité des gens qui sont justes dans la balance. Nulle divinité sauf lui, Al-Aziz Al-Hakim, donc le puissant et le sage. Voyez, donc l'ulama afdalu ahli l'iman, afdalu an-nas, lihamlihim hadha al-dirr al-azim. Donc les savants sont en réalité les gens qui ont le plus donné de foi. Ce sont les meilleures personnes car ils portent donc cet héritage qui est lourd, ce grand héritage. Lidhalika istashhad Allah azza wa jalla duna ghayrihim من البشر وكرم شهادته وشهادة ملائكته بشهادته. الله سبحانه وتعالى parmi les bénéfices que l'on retrouve dans ce verset, c'est qu'il les a, donc il les a pris en tant que témoin, sans prendre aucune autre personne comme témoin. Donc c'est un annulé. Il n'y a personne, on entend parler de Rebel, ou bien Shuhada. Là, on n'a entendu que les gens de science ici. Aucun autre homme entre dans cette domination, à part les gens de science. Et la solitude des sœurs aussi, donc les meilleurs, donc les anges qui obéissent à Allah Azzajal dans tout ce que Allah Azzajal ordonne. Et il est prêt en tant que témoin dans quoi? Dans ce qu'il y a de mieux. L'attestation de foi. La ilaha illallah. Fa'ala afdalu mashhud. C'est en réalité la meilleure attestation, justement, le fait d'attester donc la ilaha illallah. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل العلم يحمل العلم من كل خلف عدوله يلفون عنهم تحقيق الغالين وامتحان المبتلين وتأمين الجاهلين ويوصف القرآن صلى الله عليه وسلم لو les a aussi mentionné il les vante il loue donc leur mérite lorsqu'il dit porte cette science hein, donc il dit supporter cette science chaque successeur qui est juste chaque successeur qui est donc il est juste. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils portent cette science? Ils la portent pour la protéger. La protéger de quoi? Des chawarim. Et ça c'est une évidence qui montre. D'où en vérité l'importance de connaître ce qui est authentique et de connaître ce qui est mauvais afin de ne pas tomber dans le mauvais. Car c'est une évidence qui vante ici et avec les hadiths ils ne mentionnent que ce qui est mauvais. Ils rejettent donc la fausse explication, la fausse interprétation de ceux qui exagèrent. Hein, car ils veulent trafiquer ce qu'il y a dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ulbida, Wal-Nifaq, tous ces gens-là en réalité. Et aussi ceux qui veulent en réalité amener les faux. Et ceux qui changent du Awilun. Donc en réalité, ils interprètent et ils sont ignorants. Enfin, la vie s'en sait les apprécier, Al-Ghalib, Al-Mubtilin, ou Al-Jahilin. Non seulement ils exagèrent, non seulement aussi ils viennent en réalité rendre faux ce qui est vrai, mais aussi ce sont des ignorants. Par la vie, sallallahu alayhi wa sallam, yuhadiru min al-bida, min man yurid an yutrifi l'islam, ma laysa minhum. En réalité, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prévient contre les gens des innovations et contre les gens qui veulent entrer dans la religion d'Allah, ce qui n'est pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a montré que les gens bien ici, ce sont que les gens de science, ceux qui donnent, ceux qui disent qu'Allah wa qu'Allah rasoul, à la fin, il s'agit de l'Umma. Ceux qui en réalité disent Allah a dit, l'envoyé l'a dit, avec la compréhension qui est demandée des plus prédécesseurs de cette communauté. Fakar Mohammed ibn Ahmed ibn Yaqub ibn Shayba, قال رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فدعا عليه الدعوة فسأل المدعي عليه فأنكر فقال المدعي ألك بينا؟ قال نعم فلان وفلان. قال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي. قال فيعرفه القاضي؟ قال نعم. قال بماذا؟ قال أعرفه بكتب الحديث. قال كيف تعرف يعني كيف تعرفه بكتب الحديث؟ قال ما علمتم إلا حدا. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل على العلم من كل خلف عدوله فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. فقال قاطوطا فهاتيه. فقد قبلت شهادته فقد قبلت شهادته. Vous voyez cette histoire qui montre l'importance des gens de science, des gens du hadith. Où Mohammed ibn Ahmed ibn Yaqub ibn Shayb rapporte qu'il y a un homme, et donc il a parti voir un autre homme, donc voir Ismaïl ibn Ishaq, le juge. Il a donc présenté quelqu'un, donc il est contre quelqu'un dans une affaire, donc au tribunal, chez le juge. Et il dit que cette personne a fait une telle chose. Donc il y a une da'wa, il y a une accusation ici. Il demande, donc celui qui a été donc accusé lui dit, est-ce que tu reconnais cela? Il refuse. Donc il refuse. Il refuse. Il quoi? Donc il nie qu'il aurait fait donc tel ou tel mal. Et il lui dit à celui qui a, donc celui qui accuse, il lui dit, est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une preuve? Car c'est le bayinah la moudaïa. Hein, en islam, c'est celui qui accuse qui doit montrer la preuve. C'est pas le témoin qui doit montrer la preuve, c'est l'objet. C'est pas l'accusé, c'est l'accusateur. Celui qui accuse, il montre la preuve. Et dit oui, un tel et un tel. Et je réponds, dit, certes, un tel fait partie de mes témoins. Mais celui-ci, non. Après, il dit, comment, le juge le connaît? Il dit oui. Il dit, de quoi? Le juge le connaît, avec qui je le connais, car il écrit le hadith. Il ne s'arrête pas à ça, il dit, et comment il écrit le hadith? Car il faut avoir des personnes qui mangent le hadith, mais en vérité qui mangent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne connais de lui que du bien. Donc c'est un bon hadith. Et il lui dit, mais certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, porte donc cette science, chaque avec des successeurs justes. Chaque successeur juste. Il a dit donc celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam vend le mérite. Loup. Alors il est en vérité, quoi, prioritaire à ce que toi en vérité tu viendrais en vérité pouvoir en vérité dire de lui du bien en bas. Le fait qu'il est en vérité, il y a la roue, il dit du bien de lui. Donc il passe avant. Donc la charité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle continue en vérité pour les gens de science jusqu'à la mort. Il lui dit, lève-toi et donne-lui. Car en réalité, j'ai accepté donc son attestation. Il a accepté en réalité l'attestation de celui en réalité qui est témoin. Qui est témoin. Wa sallam Allah Azza wa Jal, il a dit, l'ikhtisasihim al-ilm. Passant même al-ilm, il les a appelés en réalité par leur nom, qu'ils méritent, de par leur spécialité, les gens de science. Et il a aussi donné comme témoins les plus grands et les personnalités les plus importantes. Qui sont-elles? Les anges et les gens de science. Qui sont-elles? Donc c'est les anges et les gens de science. Pourquoi? Pour quelque chose de très important, qui est donc l'air et l'air. Et pour quelque chose de très important, il faut bien sûr prendre les meilleures personnes comme témoins. On va prendre donc autre que les meilleures personnes dans le témoignage de la meilleure chose, qui est en vérité l'attestation de foi. ومنا لا يريد أن يكون من هؤلاء الأحياء المزكون من فوق سبع سماوات من الرب الأرض الكريم السميع العليم. Donc qui en réalité de nous ne voudrait pas en réalité faire partie de ceux-là qui ont été survantés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وللعلم أسماء كثيرة منها الحكمة بشهادة رب الأرض. يقول تعالى يؤتي الحكمة لمن يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. N'est-ce pas que la science a énormément de noms? Wa ziyada fi ma'na, tadullu ala ziyada fi ma'na. Car le fait que quelque chose a énormément de noms, c'est une preuve que cette chose-là est importante. C'est une preuve en réalité que cette chose-là est importante. Allah dit, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui qui a reçu de cette sagesse aura donc reçu énormément de bien. Khayran kathira. Énormément de bien. Hikmah al-hikm. وقال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح. Donc ابن قتيبة ainsi que la plupart des savants disent que la sagesse c'est le fait d'être en conformité avec la vérité, en conformité avec la vérité. et le fait de mettre en pratique, de mettre en œuvre cela. Et c'est quoi? C'est la science profitable, ainsi que l'œuvre qui, ainsi que l'œuvre qui. نعم الحكمة هي وضع الشيء في موضعه ولا يكون هذا إلا بالعلم. Oui, car en réalité, la sagesse, c'est le fait de placer les choses à leur place. Et tu ne pourras pas en réalité placer les choses à sa place que par science. Que par science. Combien de gens n'ont pas de science et en réalité vont sombrer dans l'exploration? Combien? Ils pensent qu'ils font du bien. Combien de gens pensent qu'en réalité qu'ils font du bien par ignorance? Mais s'ils avaient la science de cela, ils ne seraient pas en réalité sombrés dans ces ignorances-là, ces points-là. وهذا الخير الجزيل يوجب لنا الشكر بهذه النعمة فهو قال حالا المبقي الذي يؤتى العلم من عند ربه الواحد القهار. Donc cette science, bien sûr, cette sagesse, donc ce grand bien, en réalité, demande que l'on remercie énormément Allah Azza wa Jalla. Donc celui en réalité qui va profiter de la science d'Allah Azza wa Jalla doit énormément remercier Allah Azza wa Jalla. Il va lui être reconnaissant. Et c'est ça en réalité, voici en réalité la situation du croyant qui a reçu donc cette part, cette science de la part de son Seigneur. يقول تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Comme il a envoyé sur vous un envoyé, un messager, de chez vous, de par chez vous, qui vous récite ces signes, donc ces versets, vous purifient et vous apprennent le livre et la sagesse des amis, la sunna, et il vous apprend ce que vous ne connaissiez pas. C'est avant ça que vous étiez des ignorants. Donc, parce que l'on dit, donc rappelez Allah Azza wa Jalla, ushkuru Allah Azza wa Jalla, donc rappelez Allah Azza wa Jalla par le Coran, par la sunna, par le rappel, et remerciez Allah Azza wa Jalla, Allah va vous rappeler. Et qu'Allah vous rappelle, c'est mieux que le fait que vous vous rappelez d'Allah. Le fait de recevoir d'Allah, c'est mieux que le fait de donner à Allah. Parce que tu vas te rappeler d'Allah Azza wa Jalla. Hein? Pour Allah Azza wa Jalla, ça ne va pas changer à sa richesse. Tandis que Allah te rappelle, là c'est beaucoup meilleur. Allah il va te mentionner. Et c'est bien meilleur que le fait que toi tu vas mentionner Allah Azza wa Jalla. La récompense. Et aussi, donc, remercie-moi, soyez reconnaissant vers moi, et ne m'écrivez pas. Car celui en vérité qui ne reconnaît pas le bienfait d'Allah Azza wa Jalla, par la kafarabiniya Azza wa Jalla. Il a donc en réalité mécru dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minin a yashkuruhu bi'adhi ni'ma allati saddaha ilayhi minhu faqala bi'ani. Fadmanna Allah azza wa Jalla wa ilayna qissa ja'ani fil haqi khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il nous demande, après avoir le remercié aussi de cette grâce, et si on va profiter en réalité d'une histoire, lorsque Allah Azza wa Jalla a décidé que Aïdan, alayhi salam, va descendre sur terre, à dire Qissa, avec ses anges. Fakara ta'ala, il dit, Fakara Allah Azza wa Jalla, malalika, bi'ana yuridu an yaj'ala fil aqab khalifa. Qalu lahu, an taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت إنك العليم الحكيم. Donc voyez ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette histoire qui est ajiba et qui a un grand lien avec la science, il y a un grand lien avec le ilm, c'est que Allah Azza wa Jalla, ici donc, lorsqu'il dit donc, les anges ont dit à Allah Azza wa Jalla, est-ce que tu vas placer sur cette terre celui qui va commettre la turpitude, donc qui va en réalité commettre le désordre, tout type de façon de tentation, et il va en plus répandre le sang, alors que nous glorifions dans ta gloire, nous te glorifions et nous te louons, et aussi donc nous te glorifions et nous te louons, et tout, nous te sacrifions, Allah a dit, certes, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Et il a appris à Adam, il a appris à Adam tous les noms. Puis donc il a été dévoilé devant les anges. Et ils ont dit donc, mentionnez ces noms si en réalité vous êtes réellement véridique. Et ils ont dit, subhanak, gloire à toi. Donc nous n'avons pas de science sauf ce dont tu nous as appris. Sauf ce que tu nous as appris. Et certes, tu es en réalité le savant et le sage. Allez, alors il sait pourquoi il est descendu. Hein, cet homme, c'est l'Indien, il est aussi sage de cette décision. Il est savant de ce qu'il a fait, il est sage de cette décision. Mais toujours, أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوا كيف يجهلوا في الأرض بل هو أطلع منهم فقال إني أعلم ما لا تعلمون فأجاب سؤاله بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها وما ما لا يعلم له وهو العليم الحكيم. Ici, lorsque les anges ont dit comment l'arbre va descendre de la sur terre alors que nous on est plus vieux que lui, on est plus obéissant que cet homme, que l'homme qui est sur terre. Roi dit, certes, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, à partir du moment que tu sais ce qu'ils ne savent pas, donc il y a déjà une suprématie de la science. Il y a une suprématie ici dans la science. Il aurait répondu que avec la science, que par ça, je sais ce que vous ne savez pas. Il ne répond pas à cette science-là, comme quoi il connaît ce qui est caché, et il connaît les réalités des choses, ceux qui ne savent pas, et en vérité quoi? Le savant, bien sûr, le sage, le savant et le sage. فظهر من هدي الخليفة من خيار خلقه ورسوله يعني ورسوله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان وهو خير من الملائكة. Donc en vérité, Melhou était خير من الملائكة. En vérité, Allah Azza wa Jal, il a fait ressurgir, il a fait naître donc de ce successeur, de cet ange. Donc il a fait naître en vérité ce qui est le meilleur. Parmi les envoyés, les messagers, les personnes pieuses, les martyrs, les véridiques, les savants, et tous les savants de partout leur niveau. Ceux qui sont en réalité, bien sûr, les gens de foi, et qui sont en réalité meilleurs que leur, qui sont en réalité meilleurs que les gens connaissants, que les anges, que les anges. أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم. فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Lorsque Allah Azza wa Jalla a voulu montrer la suprématie d'Adam alayhi salam et montrer qu'il y a une différence et qu'il y a un bienfait, donc il y a une suprématie par rapport aux anges, et cette suprématie elle est à cause d'un point, elle est à cause d'un point, la science, par la science. Donc Allah Azza wa Jalla lui a pris tous les noms. Et il a dévoilé cela devant les anges. Et après, il leur a dit, Ambiouni. Donc vous, sortez-moi ces noms. Faites-moi ressortir ces noms si réellement vous êtes véridiques. Fadjar a été sir, Annam Khalou, la Yahuka, ou la Khalkal, ou Akhalou, Alihi Minna. Car il y a eu dans le tifsir, le fait que les anges ont dit, Allah ne pourra jamais créer, ne va jamais créer, dans une créature qui sera en vérité plus honorable que nous. Plus honorable que nous. فظنوا انه خير او افضل من الخليقه التي يجعل الله عز وجل في الارض. Ils ont en réalité pensé qu'ils étaient meilleurs que sur cette créature, l'humain, l'homme, Adam, qui va être en réalité passé sur cette terre. Ils ont pensé cela. فلما امتحنهم الله عز وجل بعلمه ما علمه لهذه الخليقه اقروا بالعجز. الله عز وجل donc ils ont éprouvé. Il est questionné. Il y a ici, donc il y a une question. Ressortez-moi ces noms. Il nous a donc en réalité éprouvé par la science de ce qu'il a donné à Adam et de ce qu'ils ont fait. Ils ont vu qu'en réalité ils étaient impuissants, qu'ils n'étaient pas arrivés à ce niveau de science, et ils ont reconnu, car ils obéissent à la rejet, ils ont reconnu quoi en réalité leur incapacité. Vous voyez en réalité le bon comportement à avoir. Ceux qui ne connaissent pas, ils disent, ils ne connaissent pas, ils s'arrêtent à ça. Donc il y a aussi le fait pour nous, le fait de s'arrêter, alors on ne connaît pas. Ils ont reconnu et ils ont affirmé qu'ils étaient en vérité incapables. Wadjahi ma'anani ya'lamu. Ils ont aussi reconnu qu'ils étaient ignorants de ce qu'ils ne connaissaient pas. Waqalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim al hakim. Subhanak. Donc gloire à toi. Nous n'avons pas de science sauf ce dont, sauf la science dont tu nous as donné. Et certes, tu es en vérité le savant. Tu es toi, en réalité, le savant et le sage. Et à partir de cela, ils ont compris en vérité qui était Adam. La suprématie d'Adam, l'importance d'Adam. Ils ont compris après cela. Une fois que cela est terminé, ils ont compris qui était cet homme. Allah Azza wa Jalla, par quelques points, juste en restant avec la science, ils ont compris qui était en vérité cette personne qui va être placée sur cette terre. bima hasarum bihi min al-ilm. Donc par la science. Ya adamu ambi'uhum bi asma'ihim. Falama amba'ahum bi asma'ihim. Qarru bil fadl. Et après avoir dit, oh Adam, apprends-leur, donne-leur en vrai. Donc, montre-leur, dévoile-leur leur, les noms, leurs noms. Lorsque Adam leur a dévoilé les noms, ils ont en vérité reconnu qu'Adam avait une suprématie qui est en vérité supérieure à eux vis-à-vis de la science. Donc ça, c'est un des bénéfices parmi les bénéfices de cette histoire. Le chalif, troisième point, عرف الله عز وجل فضل آدم بالعلم وعزهم من معرفته ما علمه فقال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Donc ici, Allah Azzawajal leur a montré les bienfaits d'Adam, ainsi que leur incapacité de connaître ce que Allah Azzawajal justement connaît, et leur dit, n'est-ce pas, que je vous ai dit, que je connais donc l'invisible de ce qui est caché dans les cieux et dans la terre, et ce que vous montrez et ce que vous cachez. Donc ce que vous dévoilez, ce que aussi vous cachez. Allah Azzawajal s'est fait connaître par une science qui en vérité donc complète. Elle n'a pas été précédée par l'ignorance et elle ne se termine pas. Elle n'a pas de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura découlé aussi en réalité le bienfait donc de Adam par et sur par la science. Et qu'ils étaient en vérité incapables de connaître en vérité tout ce que Adam connaît comme science. Alors, quatrième point. أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان فيه أفضل من غيره من المخلوقات. الله عز وجل أعطى دون آدم les qualités qui sont en réalité complémentaires, donc qui vont en réalité donner, qui vont faire de lui justement un être supérieur par rapport à toutes les créatures, par rapport à toutes les créatures. C'est-à-dire par rapport aux animaux, à tout ce que Allah a créé. Donc l'homme, il a cette suprématie qui est la science. وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمكم. الله عز وجل il a voulu montrer aussi aux anges en réalité cette suprématie par ce qui est meilleur, par ce qui est le plus noble, le plus honorable. N'est-ce pas que c'est la science? N'est-ce pas que c'est en réalité justement la science? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur chez quelqu'un si ce n'est la science? N'est-ce pas qu'il était vraiment qui n'avait ni pied ni bras? Ils étaient en réalité, ils avaient ni pieds ni bras, ils n'avaient que un but et une tête. Pourtant c'était Mufti Malika. C'était les gens, Mufti Al-Hujjaj. C'est les gens dont les gens avaient été près d'eux dans le Hajj et l'Akhiri. Et si on disait à l'époque Mufti Al-Hujjaj, ça veut dire que c'est le grand savant. Un Mufti Al-Hujjaj à l'époque, chez les salafs, ça veut dire que c'est un grand savant. Parce que c'est pas facile de pouvoir répondre à tout ce qu'il y a quand on avait été dépendant dans le Hajj. Donc on voit la supprimation en réalité de cette science. Donc en réalité, l'honorabilité et la suprématie en réalité de l'homme, n'est-ce pas qu'elle est en réalité par la science. وَنَجِرُ ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ بِنَبِيهِ يُوسُفْ عَلَيْهِ سَلَامُ وَسَلَامُ لَمَا أَرَادَ إِظْهَارَ فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِ كُلِّهِمْ. Allah Azza wa Jalla nous montre encore une fois l'histoire ici de Yusuf عَلَيْهِ سَلَامُ وَسَلَامُ. Regardez comment Allah a honoré Yusuf par la science. Lorsqu'il a voulu montrer sa suprématie et aussi sa noble personnalité envers les gens de son temps, envers les gens de son temps. وأظهر لملك وأهل مصر من علمه بتأويل الرؤيا ما عجز عنه علماء التعبير. Allah عز وجل a voulu qu'il ne soit supérieur à ceux qui connaissaient en réalité, qui savaient interpréter les rêves, interpréter les songes. Il a été supérieur, il a su expliquer ce que les autres savants, donc spécialistes des rêves, ne pouvaient pas en réalité expliquer à son époque. De par cette science, de par cette suprématie, il a fait comme qu'il a en réalité placé auprès de lui. Donc il a, au même qu'un amour, il lui a permis en réalité d'acquérir un poste important. Il lui a donné les clés en réalité d'un trésor. Donc en réalité, c'est-à-dire, si on pourrait dire maintenant, du ministère en réalité de l'économie. Il lui a permis en réalité de tenir l'économie du pays. قد حدثه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته. Alors qu'auparavant, il a manqué ça à cause de quoi? Car il était beau, sale, qu'il était en réalité, donc il avait un superbe corps, et il était très beau. Et à cause de cette fitna là, vous connaissez l'histoire, il a manqué ça. ولما ظهر له حسن الصور يعني صورة علمه lorsqu'il a vu la beauté de cette fois-ci, pas la beauté du corps, mais la beauté de l'influence, de la science, وجمال معرفته et la beauté de ses connaissances aussi, أتلقاه من الحبس. Il a fait le contraire, il a sorti de la prison. Là, vous n'avez pas une entreprise parce qu'il est beau, et après le sort parce qu'il est quoi, il est savant, il a une belle science. On va tirer la route du marche, et en même temps, plus tu lui donnes, en vérité, le fait de pouvoir de s'enfermer sur cette terre. فدل على أن سورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من سورة الحسية ولو كانت أجمل سورة. Ça c'est un dernier, comme qu'on a été que donc la beauté, c'est-à-dire la beauté de la science est en vérité meilleure que la beauté du corps, même si la personne est la plus belle, même si la personne en vérité est la plus belle du monde. والعلم هداية وهبة. Maintenant qu'il y a ذلك أنت يا أفضل ما يكون. Et aussi la science, c'est en réalité donc un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui reçoit ce cadeau, il a reçu en réalité ce qu'il y a de meilleur. Wa ma fi sahihaini min hadith Sa'd ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala li Ali radhiyallahu anhu, la an yahdi bika Allah rajulan wahidan khairu min hubl al-ni'am. Li hubl al-ni'am. Donc il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il le dit à Ali ibn Abi Talib, si Allah guide un homme par ton billet, est meilleur pour toi que la meilleure des montures, hein, que la chamelle rouge qui était tellement convoitée chez les Arabes, la plus belle chamelle qu'il y avait, la plus belle monture possible, c'est meilleur si Allah guide par ton billet, par ce que tu vas faire. فَكَيْفَ بِالْعِلْمِ الذي يهتدي به كل يوم طوائف من الناس. Alors que dit de la science dont les gens, dont énormément chaque jour, profitent. Et ils entrent en vérité, et ils reviennent à la vérité par cela. Hein? Les couteaux de Cheikh Islam Taymiyyah, Ibn al-Bukhari, un musulman, l'Orthodoxe, le Bazin, Antimine, Albanie. N'est-ce pas tous ces gens, tous les jours, il y en a qui en profitent, qui de nous n'avons profité de nous tous, que ce soit en arabe ou en français. On a été bien guidés par ces gens-là. Leur image est un petit peu les récompenses des savants. C'est les récompenses qui ne s'arrêtent jamais. Ils sont morts et pourtant ça continue. Il y a des gens qui sont morts depuis des siècles et des siècles. Ben, on m'a dit à l'Irim, ma Ulimna, Walul Khalif, Walul Ibn Yassir, l'Amna Fihi, min Amin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'Amna Rukhan, Bani Wahni, Walul Aya. Wahadis Wahadani Israël, Walul Haraj. ومن كذب عليا متعمدا فليتبوا مقعده الى النار بحيث رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم nous ordonne de quoi de propager de répandre cette science même si c'est un peu même si c'est en vérité donc la moindre chose et le Nabi صلى الله عليه وسلم dit donc avancez de moi propagez de moi ne serait-ce qu'un seul verset ne serait-ce qu'un seul verset et donc mentionner les récits des enfants d'Israël il n'y a pas de problème sur eux. Et celui qui ment sur moi en faisant exprès, qui prépare donc sa place en enfer, même qu'elle n'a rien de ta'amida. Ceux qui en vérité mentent pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des autres encore. Loin de ceux qui en vérité ont proféré des mensonges sur la parole du prophète sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wa hada, in wa hada yantashkur khair, wa yugda al-shar, shar al-jahl. Donc on va c'est comme ça qu'on va que le bien va être propagé. Et aussi, il y aura aussi quoi? Un arrêt. On va pouvoir en vérité arrêter l'ignorance. L'ignorance en vérité qui est donc le mal. Et le mal qui est en vérité le mal de l'ignorance. Wa zulmatil jahl, ainsi que les ténèbres de l'ignorance. Naam, li anna al-ilma masiratun wa bil ittiba' tunalu wa tuntasab. Oui, car en vérité la science, c'est la clairvoyance. Et par le suivi, donc par la mise en pratique, tu vas en vérité acquérir cette clairvoyance. Rappel à ta'ala, qu'un hadith sabili, adhul l'Allah ala basira, ana wa manit ala'ali. Dis, celle-ci est ma voix, j'appelle Allah avec clairvoyance, yani, ma'lim, avec la science, moi et ceux qui me suivent, bin ittiba, alayni al-tab'a wa rasul, fit ta'wa wa fi ghir ta'wa, fi kulli shay, ceux qui ont suivi le nom d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans leur temps après et dans tout en réalité. فالمهتدي هو الذي هداه الله عز وجل الى الحق الذي هو العلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيره الاحرام في صلاه الليل ثم يدعو ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اعطني لما يختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وكذلك في فاتحة الكتاب. Ici, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demande au prophète, il demande à Allah azzawajal, il demande qu'Allah azzawajal soit le guide, à chaque fois. Et dit, ô mon Seigneur, le Dieu de Jibril, de Mikaël, de Israfil, celui qui a façonné les cieux et la terre, qui connaît le caché et aussi ce qui est montré, ce qui est apparent, toi tu juges envers tes serviteurs là où ils étaient en divergence. Tu mets un canot qui est téléphone. C'est Allah qui juge. Et tu guides-moi. Là où justement ils sont en divergence, vers la vérité, avec la permission. Certes, tu guides, c'est toi qui guides réellement vers la loi de base. Enfin, il y a des gens qui demandent à la salle de nous garder en vérité dans cette idée. Et pourtant, cela envoyé dans là. Ça va savoir que dire de nous. Que dire de nous, de demander, et on s'est même dit dans le Fatiha, l'Ikhdilah Sarat Mustaqim. Et c'est la meilleure toi qui existe sur terre, l'Ikhdilah Sarat Mustaqim. De demander à la salle de nous guider dans la loi de base. C'est pour ça qu'un meilleur sourate, elle est déplacée où? Dans la meilleure sourate, c'est-à-dire. Tu demandes à la ce qui est le meilleur, c'est-à-dire d'être guidé dans la voie de droite. Hein? Donc la voie d'Allah Azzawajal, ça veut dire qu'Allah Allah Rasoul à la fin, il s'arrête avec vous. Donc en réalité, il y a de quoi être fier d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ أَرَادَ الْهِدَاءَ فَلْيُلْزِمْ مَنْ جَلِسِ الْعِلْمِ هَلَا فِيهِيَا رِيَا دَجَلْنَا. Donc celui en réalité qui veut acquérir cette idée, qu'il profite réellement et qu'il assiste donc aux assises de science qui ne sont rien d'autre en réalité que des jardins du paradis, qui ne sont rien d'autre en réalité que des jardins du paradis. Quand la loi de Allah, la loi de Allah, la loi de Allah, la loi de Allah, la loi de Allah, la loi de Allah, la loi de Allah, قالوا يا رسول الله وما رجال الجنة قال حلق العلم حلق الذكر فإن الله سيرات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حلقوا بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال si vous passez à côté des assises de Rahel, asseyez-vous, restez-y. Et dit, oh, mais dans quelles sont en réalité donc, les jardins du paradis plutôt, donc les jardins du paradis, asseyez-y. Asseyez-vous donc dans ces jardins. Il dit, oh, mais qu'est-ce que j'arrive du paradis? Il dit, ce sont les assises de rappel. Donc, les assises de science. Certes, Allah a des anges qui volent, qui voyagent. Ce sont en vérité des anges qui ont comme but, comme droit de voyager et de rechercher en vérité les assises. Hein, la Jérusalem, c'est le texte, l'aide. Et donc, lorsqu'ils voient ces assises, le texte, lorsqu'ils arrivent, c'est ce qu'ils font, donc, en vérité, ils les recouvrent. Ils les entourent. Ils les entourent. Waqala Abba. Qu'est-ce qu'il dit Abba, rahmallah ta'ala, majalis al-fikri, majalis al-halal wal-haram, kayfa yashtari, wa yabir, wa yassum, wa yusalli, wa yatasaddaqu, wa yankahu, wa yutariqu, wa yahujju. Donc voyez ce qu'il dit Abba, il manque en vérité c'est le fiqh. Donc en vérité c'est l'ilm shar'i, c'est ce qui est halal, c'est ce qui est haram. Mais si on ne commence par tawhid, par ce qui est azar al-halal et al-haram, par tawhid, donc à ce moment-là, tout cela. Et aussi, donc il dit, c'est les assises de ce qui est licite et indicite. Comment tu achètes, comment tu vends, comment tu jeûnes, comment tu pries, comment tu fais le mal, hein, comment tu vas te poser la tête, comment tu vas te marier, comment tu vas te divorcer, comment tu vas faire et effectuer ton pèlerinage. Comment cela? Généralement, malheureusement, maintenant, même chez nous. Les jeunes salafis d'Akhéli ne s'assiedent plus, font des dégâts des fois, et après ils posent la question, j'ai fait ça, est-ce que c'est Akhéli? Et madame Agnès, pourquoi tu ne t'es pas assis en réalité avant? Assieds-toi et après, fais. Ne commets pas en réalité ces erreurs, que, en réalité, d'abord assieds-toi, tu vois, ces erreurs, et là tu seras loin de cela. Idem, ta'allam, ya Abdallah, ma'adi, wasiatu, l'awwali, wasiatu, salaf, ali, umma, qala, ibn Mas'ud, radiallahu anhu, alaykum bil'ilm. قبل أن يرفع ورفعه هلاك العلماء فوالذي نفسي بيده ليعلمن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثه الله عز وجل أن يبعثه الله عز وجل علماء لما يراهون من كرامته وأن أحدا لم يلاد عالما وإنما العلم بتعلمه. ولسيدي بن مسعود رضي الله عنه دونك أبغني دونك لا سيونس avant qu'elle disparaisse. Apprenez la science avant qu'elle disparaisse. Et elle va disparaître comment? Avant qu'elle soit en vérité retirée. Elle est retirée par la mort des savants, elle est là, par la mort des savants, étant celui qui détient mon âme entre ses mains, des gens qui ont été tués et pris à l'hiver, je suis un adorant de il voudrait réellement, donc certainement, c'est parce qu'il y a deux tonkis, il y a en réalité deux avis pour ceux qui connaissent l'arabe, ils veulent réellement et certainement quoi, revenir, hein, ils voudraient en réalité notre corps, ils voudraient en réalité qu'Allah les fasse ressusciter et qu'ils fassent d'eux des savants. Tellement il y a en réalité de l'honorabilité, de la main, donc c'est noble, tellement en réalité c'est noble, il a vu en réalité la noblesse de ces gens-là. Et sachez que personne d'entre nous ne naît savant. Mais certes, la science, c'est par l'apprentissage. Ne passe que par l'apprentissage. Wa'akada baqa'ul ilm, baqa'ul din, wa dunya wa dihad, ou salabu dihad, din wa dunya. La même façon aussi, donc la science, ou bien le fait que la science existe, demeure, perdure, c'est ce qui fait que la religion et la vie ici-bas perdurent. C'est par la science qu'on vit. Donc, non seulement dans les gens de la vie ici-bas, mais aussi par la science, mais aussi par notre religion. Et sa disparition sera en réalité la cause de la disparition de la religion et de la vie ici-bas. Donc, la vie ici-bas et la religion va être en réalité enfermée et va exister que par la science. Qala al-Kawzari, qala ibn Jihad al-Zuhri, ayyatissam ou bisunnati najat. Imam Zuhri dit, et puis Cheikh Al-Qur'an qui dit aussi, elle est acquise dans les sunnah de Najat. Le fait de s'accrocher fortement à la sunnah, c'est ce qui va en réalité te faire en réalité, donc qui va en réalité donner ta réussite, qui va te sauver. Elle est acquise dans les sunnah de Najat. N'est-ce pas que Cheikh Saint-Kenya, il le mentionne énormément. Et lui, il le mentionne directement en disant que c'est pas aux amis. Et aussi, voilà, il m'a dit, la science en réalité, elle disparaît rapidement. Quand elle est assez rien, rapidement. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا والذهاب العلم ذهاب ذلك كله. Et en fait, la science de telle qu'elle reste et qu'elle soit vivante, elle va en réalité interdire la religion et la vie d'ici-bas. La religion et la vie d'ici-bas. Et sa disparition, la disparition de la science et la disparition de tout cela. فكيف لا يجب أن نعرف أن العلم هو الذي يدفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ماذا يكره الملك الملك والمال ولا غيرهما. De sûr que oui, car en réalité, on sait très bien que la science élève ce savant, ce que ni la royauté, ce que ni l'argent ne pourrait en réalité élever les gens. Tu peux être le plus riche du monde, tu peux être donc le grand gouverneur de ce que tu veux, tu ne pourras en réalité jamais atteindre le niveau de ce savant. Il est élevé par la science, ce savant, il est élevé en réalité par la science. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد الملوك حتى يجلس له مجالس الملوك. La science en réalité, donc elle va rajouter donc de l'honneur à celui qui est honorable. Et elle va aussi faire de même du serviteur, c'est-à-dire il ne se laisse, et en réalité, il ne se possède même pas, il n'est même pas libre. C'est un serviteur, c'est un esclave. Et pourtant, donc par la science, ça va lui mener, et va le faire asseoir pour la même naissance, même née. Le roi n'osait pas s'asseoir. Il n'osait pas s'asseoir. Et voici le cristal, voici l'histoire. Comme Sabata fi Muslim min hadith al-Zuhri, an Abu Tufayl, an Nafi'a ibn Abd al-Halif, an Umar. Mais istakhlata ala ahli al-Wadi, qala istakhlatu alayhim ibn Hamza. Faqala man Abd ibn Hamza, qala rajul min mawalina. Faqala Umar istakhlata alayhim mawali. ومولى استخلت عليه مولى فقال إنه قارئ في كتاب الله عالم بفرائض فقال عمر إما أن نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد قال إن الله يكره بهذا الكتاب أقواما ويكره به آخرين. Donc عمر بن الخطاب à l'époque où il était émir, خليفة, donc خليفة, il a dit, donc il a dit ici, donc Nafi ibn Abd al-Halif, il est parti par Omar. Et Omar lui pose la question, qui as-tu donc donné, succédé donc chez les gens du web. Il a dit donc j'ai donc placé Ibn Hamza. Et ouais, c'est d'accord. Il dit qui est donc Ibn Hamza. Il dit un homme parmi les esclaves, parmi nos esclaves. Omar lui dit, tu vas donc le placer comme, donc, comme gouverneur, celui qui va gouverner cet endroit-là, un esclave. Il dit, certes, il connaît le livre d'Allah. Et il est savant dans les phrases, dans l'héritage. Al-Faraid aussi, c'était un délire car beaucoup de gens ne connaissaient pas Al-Faraid, c'était un délire aussi de la conscience des gens. Le savoir qu'il connaît Al-Faraid, c'est une preuve de sa conscience. Omar 17, j'espère que votre envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes Allah élève de par ce livre des peuples et il rappelle de par ce livre de l'autre. Regardez comment il est en vérité. Omar al-Khattab, tout de suite, il le met en concordance avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas. Il ne fait pas passer l'attention. Non, tu retires. Les gens, ils vont pas parler. Les gens, ils vont dire ceci. Alors qu'en tout cas, il y a ça, il y a le Quraysh. Il y a les Arabes les plus importants. Ils sont les plus importants jusqu'à la Qiyamah. Et pourtant, hein, regardez, c'est l'endroit, le plus important, avec les tribus les plus connues, hein, les plus nobles. Et pourtant, c'était un Mawla. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fait passer le hadith du prophète avant quoi que ce soit. Avant avec les patients, avant qu'est-ce qu'on dirait, qu'est-ce que diront les gens, et après. Il a pris le hadith du prophète et il le met en pratique totalement. Voyons la vérité avec le sunnati, le sunnati du khulafa rachidin, merdi min badi. Voyons la vérité comment ils étaient. Et il dit aussi à Al-Aliya, Kuntu Ati ibn Abbas, wa Omar ala Fareli, wa Hawla al Quraysh, fa yakhudru biyadi, fa yushisani ma'ahu ala Fareli, fa tarada bani al Quraysh. Donc Abu Al-Hajj a dit, je me suis assis avec Ibn Abbas, alors qu'il était dans son lit mort. Et autour de lui, il y avait le Quraysh. Ibn Abbas, beaucoup de gens tournaient autour de lui, surtout pour l'aide, pour poser des questions à l'écriture et la chimie. Et de par sa place, comme c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, alors qu'il avait autour de lui les gens les plus importants du Quraysh, il prend cet esclave, ce savant, et l'assied à côté de lui sur ce lit. Et les gens du Quraysh lui tirent la tête. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent une tête. Donc on voit qu'il y a quelque chose dans le visage, le regard, pour dire qu'est-ce que tu oses faire. Eux, ils n'osent pas faire ça. Pourtant, ce sont des gens importants. Fafatina, il est intelligent, il a remarqué cela. Fafatina l'aoum ibn Abbas maqala kaza ala l'ilm yazid ou sharif asharatan wa yujlis ul mouluka ala l'asira. Il a dit, voici en vérité ce que fait la science. Voici en vérité, donc le résultat de la science. Il augmente le noble, donc il va augmenter de noblesse celui qui était déjà noble, et aussi il va le faire assir, il va le faire assir en vérité, ça veut dire donc il le fait assir, il fait assir les rois dans ces vivants-là. Donc je vais amour le salaf et Hadil Khajaini, Ketela Jidden. Donc moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, afin de reprendre la prochaine fois sur le phare de l'Ulema. Donc là on a le phare de l'Ulema surtout, on va rentrer dans le Ulema la prochaine fois. Subhanallah wa subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant. أستحقك ما تقولك الكوشك إن شاء الله بكرة سليمان أبغيك لسنة دون السجن لسنة بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.